Le vieillard et les trois jeunes hommes. Fable 8 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le vieillard et les trois jeunes hommes. Un octogénaire plantait. Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge, disaient trois jouvenceaux enfants du voisinage. Assurément, il radotait. Car, au nom des dieux, je vous prie, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient pas à vous-même, repartit le vieillard. Tout établissement vient tard et dure peu. La main des parcs blêmes de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous, des clartés de la voûte azurée, doit jouir le dernier? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui? Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. Le vieillard eut raison. L'un des trois jouvenceaux se noya dès le port en allant à l'Amérique. L'autre, afin de monter aux grandes dignités dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu, vit ses jours emportés. Le troisième tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter. Et, pleuré du vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. Fin de Le vieillard et les trois jeunes hommes. Fable 8 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public.